Radio ETS, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Radio ETS. Franchise, business et entreprise. Radio ETS. En direct et en podcast sur radio-ets.com. Le décryptage sans filtre, c'est maintenant sur Radio ETS. Bonjour et bienvenue sur Radio ETS, ETS pour entreprise, la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Alors nous sommes en direct du salon Franchise Expo Paris 2019 où je me trouve avec Philippe Langor, l'un des fondateurs de Diète Plus. Bonjour Philippe Langor. Bonjour à tous, bonjour à vous. Alors comme je viens de le dire, vous êtes l'un des fondateurs de Diète Plus. Pour que nos auditeurs comprennent bien ce que vous faites, pouvez-vous nous en dire plus sur votre activité ? Alors Diète Plus, c'est vraiment le spécialiste du rééquilibrage alimentaire. Donc on développe un réseau avec des coachs en perte de poids. D'accord. Donc d'accompagnement de clientes qui sont en surpoids pour les aider à perdre du poids. C'est vraiment ça notre cœur de métier. Très bien. Donc nous sommes aujourd'hui au salon de la franchise à Paris, porte de Versailles. Mais qu'est-ce que c'est exactement la franchise ? Et est-ce que vous êtes justement une franchise, vous, Diète Plus ? Alors on est un franchiseur, hein, pour être très précis, donc on aime bien une franchise. Mm-hmm. Alors la franchise, pour simplifier, évidemment c'est un cadre juridique aussi plus complexe qui va surtout protéger le franchisé, donc le meneur de projet, donc, et le franchiseur va amener un concept le plus abouti, le plus fini possible. C'est vraiment un des domaines justement où nous on insiste très fort en tant que Diète Plus. Ça veut dire que c'est pas juste une idée, c'est une batterie d'outils, de concepts, de produits qui ont été spécialement développés afin d'amener le franchisé à réussir le mieux possible. Malgré tout, le franchisé reste un indépendant, si je puis dire. Ça reste son activité, mais il utilise le concept du franchiseur, et c'est vraiment cette association qui est très intéressante parce que ça permet d'aller plus vite dans le développement et pour le franchisé d'avoir un cadre, un encadrement pour la publicité, que ce soit aussi bien pour les produits, pour le cadre juridique, mais aussi pour avoir une formation continue et un accompagnement tout au long de son activité. Très bien. Tout ça va évidemment intéresser de nombreux auditeurs, mais alors ça ressemble à quoi un franchisé Diète Plus, Philippe Langor ? Alors la chance qu'on a, donc ça va dépendre des activités, donc je vais parler évidemment de la mienne, il y a beaucoup d'activités où il faut avoir des connaissances spécifiques, pas chez nous. Pourquoi ? Parce que nous on cherche vraiment des gens qu'on va former de A à Z, donc pour devenir des coachs en rééquilibrage alimentaire. Alors évidemment il faut envie d'être commerçant, d'avoir cette envie, il faut se rendre compte que le commerce c'est pas facile, hein. Je veux dire, on est son chef d'entreprise, donc il faut des fois nettoyer le trottoir, des fois nettoyer sa vitrine, donc c'est un métier impactant, impliquant aussi, mais dans notre domaine, on peut vraiment, sans connaissance spécifique, pouvoir démarrer son activité du moment qu'on a envie d'aider l'autre. Et est-ce que vous recherchez un profil particulier ? Pas particulier. Alors, il faut un apport évidemment un minimum de 5 000 euros, d'accord ? D'accord. Même si à l'heure actuelle, avec le développement et la notoriété qu'on a, on a même des gens qui, sans apport, peuvent ouvrir leur centre Diète Plus. On a besoin de gens qui ont envie d'aider l'autre. Quand on va aider quelqu'un à perdre du poids, c'est quelque chose de très impliquant. C'est évidemment fabuleux parce qu'on va changer la vie de nos clients. Donc, il y a un côté affectif très important qu'on va développer avec sa clientèle. Donc, c'est ça la volonté. C'est vraiment de trouver un nouveau métier. Alors, Philippe Langor, si vous le voulez bien, on va maintenant parler de la concurrence et de votre développement. Vous êtes sur le secteur de la perte de poids. J'ai pu constater au salon que vous n'étiez pas les seuls sur ce secteur. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Alors évidemment notre méthode qui est différente des autres, mais malgré tout, pour revenir sur la première point, c'est qu'il n'y a pas tellement de franchises dans la perte de poids. Il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine de la perte de poids, que ce soit la pharmacie, la parapharmacie, mais quelque part ce n'est pas accessible pour n'importe qui d'ouvrir une franchise dans le domaine de la perte de poids. On est quelques-uns seulement et on est certainement un des leaders, du coup on a plus de 200 centres en France, donc ça marque notre force. On a ouvert 60 centres l'année passée, cette année-ci on compte en ouvrir 70. Donc vraiment on va s'implanter un peu partout en France. Pourquoi ? Parce qu'on s'implante dans des villes de 10 à 15 000 habitants. Ce qui va faire notre grande différence, c'est vu les moyens qu'on a et la structure qu'on a, c'est tout l'accompagnement, le suivi, les formations continues. Donc une équipe de quasiment 45 personnes qui sont là pour appuyer, aider le franchisé dans sa réussite. Alors, on voit bien que votre secteur d'activité est dynamique aujourd'hui. A priori, il semble avoir de l'avenir. Mais alors, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous, Diète Plus ? Alors moi, c'est pas moi qui en pense, tout le monde le sait, le domaine du surpoids, c'est un marché en pleine expansion. Il y a les études XERFI, donc qui sont des études qui sont faites tous les 2 ans, qui marquent ça comme vraiment un marché porteur. Quand on voit le nombre de gens en surpoids, le nombre de problématiques, c'est sûr qu'il n'y a vraiment pas de problème, il y aura de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'invite un maximum de gens à s'intéresser à ce secteur. Parce que sans compter l'intérêt humain d'aider les gens à réussir, à perdre du poids, donc c'est très gratifiant, c'est aussi la rentabilité forte de notre activité. Alors, on va se recentrer sur votre réseau et parler un peu de votre développement. Rappelez-nous le nombre d'unités que vous possédez actuellement. Alors là, on a plus de 200 centres en France. Alors c'est sûr, comme on s'implante dans des villes de 10 à 15 000 habitants, on pourra en mettre un millier, sans problème. Malgré tout, on va donner à chacun de nos centres une zone suffisante pour qu'ils puissent largement réussir. Mais malgré tout, là, le développement, pour nous, c'est plus tellement ouvrir un centre de plus, parce que d'office, on n'a pas de problème à ce niveau-là, c'est d'ouvrir plus d'outils pour que le franchisé soit encore plus fort dans son activité. C'est ça notre développement, c'est aider le franchisé à réussir s'intéresser aux franchisés. Alors pour finir cette interview, j'ai envie de vous laisser carte blanche, Philippe Langor, pour vous adresser aux candidats. Car oui, vous le savez, c'est un peu le fil directeur de Radio ETS que de laisser la parole, sans filtre ni préparation, à ses intervenants. Alors qu'aimeriez-vous dire aux candidats intéressés par Diète Plus ? Si un candidat est intéressé par notre secteur, ben évidemment qu'il vienne nous voir. Avant tout, je crois qu'un candidat qui veut devenir franchisé doit se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment il est prêt à le faire? Il doit se renseigner un maximum. J'ai vraiment aucun problème. Notre principal souci chez Diète Plus, c'est d'être sûr d'avoir le bon franchisé. Et c'est pour ça que c'est à lui de faire un travail. Et donc on a tout un système d'accompagnement. Donc quand quelqu'un est intéressé, il va d'abord passer un mini stage, on va dire, pour voir ce qu'on lui propose. Parce que la clé de la réussite, c'est de trouver un franchisé qui va réussir chez nous. C'est pas juste d'avoir des franchises pour des franchises. C'est d'avoir des gens qui ont le même ADN que nous, qui ont la même volonté, le même esprit, la même philosophie que Diète Plus. Ça veut dire aider les autres. Alors, comment faire pour vous contacter ? Très simple, vous allez sur Google, parce que c'est encore plus simple, vous mettez Diète Plus et vous nous trouverez. Il y a tellement d'informations sur nous, sur nos franchisés, vous trouverez énormément d'informations liées à notre réussite, ou sinon sur notre site dieteplus.fr ou dieteplus.com. Eh bien, un grand merci à vous Philippe Langor et aux Diète Plus pour vous être prêté au jeu de l'interview non préparé. Mais bon, vous le savez, nous sommes toujours très sympathiques sur Radio ETS puisque nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre et mieux choisir la franchise qui vous correspond. Et oui, c'est pour ça que Radio ETS est la première web radio entièrement dédiée à la franchise, au business et aux entreprises. Cette interview vous a plu et vous souhaitez en savoir davantage sur les réseaux Diète Plus, n'hésitez pas à le contacter sur dieteplus.fr ou .com. Vous retrouverez également le podcast de cette interview sur radio-ets.com, sur choisirsafranchise.com, sur lemediaindépendant.fr et sur tous nos réseaux sociaux. A très bientôt, merci encore, merci Philippe Langor. Merci à vous, au revoir.